Yeah. Rachel, bienvenue dans mon cauchemar. Rachel, 48 City. Ok. Retour en fanfare, mes débuts sont clairs et précis. Le business n'est pas rentable, clic clic boum dans toutes vos fessies. J'ai grossi, noirci, my niggas entouré de poussi. J'ai poussé l'asphalte à la salle, flow large comme Rocossi. Accélère sans clignotant, je perturbe, je suis trop innovant. Je les amorce et accroche, les j'accroche, ils repartent en sautant. Accident, antécédent, ça que je baisse les précédents. Quand je m'adresse au garnement, les keufs s'amènent tous pressamment. Ni défaite, ni victoire, le contrat se signe à part. Quand j'écoute, c'est trop tard, on dirait Kenny, Tessa ou Spa. Mon vécu fait tâche, c'est trash, cagoule les lions. La classe, on est comme les banquiers, on dira toujours les choses cash. Je les avais prévenus, mais ils ne m'ont pas écouté. Tout choqué dès qu'ils ont vu que j'avais signé. Maintenant reste loin, inutile me sucer. Je suis le meilleur, je partirai sur mon dernier. Je les avais prévenus, je suis un vrai mec de test. T'as perdu ta fierté, je suis l'unique et la de cesse. En plus de la victoire, j'ai vécu la haisse. Jaguar cauchemar, ma gueule. Stress. Ils sont claustro, ils causent trop quand il s'agit de monnaie. Trop chaud mais ils sont faux, comme ta meuf siliconée. J'suis prié de prier, d'arrêter de trimer, d'explorer, d'effleurer, de flow, déballonner. Les frères sans t'éloigner, j'avance et plus j'pétale. J'me balade sur l'instrumental, le jaguar a trop la dalle. Flow, flow, flow, universal. Tu frissonnes mes consonnes, font-ils sort de ta console. Peu importe ce que l'on consomme, fuck tes bulletins, fais des sommes. Accroche-toi, c'est pas fini, dans le peurat, tu n'es que mon Woolji. Pas la race d'être un harki, ta carrière pour pas se bille. Des tonnes de rimes de litron, les rumeurs enfoncent leurs vibros. Personne ne m'a rien fait, qui croche, qui sale, les puristes, t'en sont qui est chaud. J'ai parcouru le rap, je m'envole comme un aigle. Si t'as un problème, tu m'appelles, comme les meufs, on se règle. Mes cinq sont à téco, ils diront ce qu'on a morflé. Shooté à la morphine, j'ai drogué tous vos projets. Je les avais prévenus, mais ils ne m'ont pas écouté. Tout choqué dès qu'ils ont vu que j'avais signé. Maintenant reste loin, inutile me sucer. Je suis le meilleur, je partirai sur mon dernier. Je les avais prévenus, je suis un vrai mec de test. T'as perdu ta fierté, je suis l'unique et la de cesse. En plus de la victoire, j'ai vécu la haisse. Jaguar cauchemar, ma gueule, déstress. Je pensais qu'on avait fini, que c'était terminé. Sache que le plus nul de mes extraits vaudra la plus lourde de tous tes projets. 48 City Gang, gros. Tiens. Et ceux qui parlent sur moi, sache que. Je les pépépépé, j'ai la rime et la force qui les blesse. Tête et test, puis la hesse. Plus j'écris et plus ils régressent. Plus j'encaisse, plus y'a texte. Moyen tête qui se la pète, reste en kleps. On m'atteste, tous mes frères me reconnaissent. J'pépépé, je les pépépé, j'ai la rime et la force qui les blesse. Tête et test, puis la hesse. Plus j'écris et plus ils régressent. Plus j'encaisse, plus y'a texte. Moyen tête qui se la pète, reste en kleps. On m'atteste, tous mes frères me reconnaissent. Ré. Je les avais prévenus, mais ils ne m'ont pas écouté. Tout choqué dès qu'ils ont vu que j'avais signé. Maintenant reste loin, inutile me sucer. Je suis le meilleur, je partirai sur mon dernier. Je les avais prévenus, je suis un vrai mec de test. T'as perdu ta fierté, je suis l'unique et la de cesse. En plus de la victoire, j'ai vécu la haisse. Jaguar cauchemar, ma gueule, déstress.